est sorti un jour de notre nuit des temps pour engraisser encore quelques propriétaires qui exploitaient des gueux loués à des manants en quête d'un asile où nourrir leur misère. Riba comblait sa vie de joies et de tourments, des deuils prématurés, des naissances éphémères, des fêtes, des plaisirs coupés d'enterrements, des prodigalités et des misères austères. Riba cessait de vivre et retourna à la terre dont elle fut tirée comme les souvenirs de ses hommes et ses femmes, de ses sœurs, de ses frères qui suaient le présent pour croire en l'avenir. La force de mes mains et de mon dos de verre tente de retarder l'échéance des ans, mais comme on ne peut rien pour ces cercueils de pierre, j'essaie tout simplement de les garder présents. Tarder l'oubli et la cinglante injure que font les ignorants aux vestiges du temps, qui méprisant tous les ennemis du parjure renient qu'ils sont issus de ces ruines d'antan, pour tenter d'échapper aux remords conséquents, entravent les chemins de la raison honnête, s'épuisant stratagèmes et fiers comme des pans, manœuvrent pour ruiner les rêves des poètes, pour tenter d'échapper aux remords conséquents, entravent les chemins de la raison honnête, s'épuisant stratagèmes et fiers comme des pans, manœuvrent pour ruiner les rêves des poètes.